une histoire particulière. Qu'on la côtoie tous les jours ou qu'on la découvre pour la première fois lors d'un périple à travers la ville de Dijon, la petite chouette en pierre sculptée dans un contrefort de l'église Notre-Dame est du genre à attiser la curiosité. Porte-bonheur traditionnel et avant tout témoin du temps, la chouette est devenue un véritable symbole local qui soulève parfois quelques interrogations. Touchez-la de la main gauche, placez votre main droite sur le cœur et la chouette exaucera votre vœu. Cette tradition n'est pas toute jeune et tiendrait son origine de quelques histoires de fantômes au XVIIe siècle. Depuis, il n'est pas rare de voir les Dijonnais, en quête de chance, venir effleurer la chouette. Peut-être Romain Weber et Assia Khalid dont il était caressé le volatile en vue d'obtenir des informations primordiales pour trouver une autre chouette, un autre trésor, très très bien caché. Souvent, les contremarques sont à 10-15 cm. Hein. Si vous êtes sûr de votre coup, vous n'avez pas besoin de faire plus que la largeur de la pelle. D'accord ? Ah, là, il y a un caillou. Bon, si ça se trouve, j'ai trouvé un trésor dans mon jardin. La chouette d'or, ou le trésor volatile. Assia Khalid, Romain Weber. Vous enfoncez 4 fois la pelle pour faire un carré. Première partie, les aventuriers de la chouette perdue. Et tout naturellement, vous allez avoir la motte de terre qui va sortir avec l'air dessus. Il ne faut pas la briser. Donc ça, vous la prenez délicatement. Ça fait un cube parfait. Hein. Ça fait un cube parfait. Après, il ne reste plus qu'à élargir le trou. Ça commence un jour de 1993. De 20, où, un certain nombre de personnes découvrent en librairie un livre qui propose un certain nombre d'énigmes pour localiser l'endroit où un certain Max Valentin a enterré une chouette en or qui vaut, selon la couverture du livre, 1 million de francs. On était en 93, c'était encore les francs. On entend quelque chose qui fait du bruit et on voit un bout d'aile là, non ? On voit un bout d'aile. Cette nuit-là, il prend un sac dans lequel il a une contremarque en bronze du trésor lui-même. Patrick Schmoll, anthropologue et chouetteur. Enfin, un certain nombre d'instruments qui vont lui permettre de creuser. Il gare sa voiture probablement dans un endroit qui est relativement éloigné de toute habitation pour éviter que même la nuit, des gens qui passeraient puissent se demander qu'est-ce que fait cette voiture-là. Et puis, il avance à pied jusqu'à l'endroit qu'il a repéré préalablement pour enterrer le trésor. Et ensuite, après avoir tassé la terre remise dans le trou. Mais un certain temps, ça donne une indication. On devine que la cache n'est pas juste à côté d'une route. Enfin, il y a quand même du chemin à faire avant d'y arriver. Voilà. Vous partez avec votre contremarque et vos sacs. Ni vu ni connu. Et arrivé au point qu'il a préalablement repéré, il se met à creuser. Alors qu'il pensait ne mettre qu'une heure ou deux pour réaliser l'ensemble des opérations, il va y passer une partie de la nuit. C'est un beau jour. L'août, chouetteuse. Les enfants arrivent et me disent bon anniversaire, maman. Et on m'offre des baisers, des douceurs, des fleurs. Et un petit livre avec une chouette en couverture. Je trouve ça bizarre, j'ouvre et c'est effectivement une chasse au trésor. Une chasse au trésor. Et bon, je regarde, je dis oula, ça sera peut-être pas pour moi, ça m'a l'air un peu complexe. Et en regardant de plus près, si, finalement, je vois que j'arrive à décrypter une énigme, la 420, qui me paraît plus simple. Je me dis, bah, après tout, si j'ai fait ça, peut-être je peux faire autre chose. Et puis voilà. Et là, j'ai pris le virus. Je suis restée là-dedans. Vous avez pris le virus, mais vous ne semblez pas malade quand même. Ça va, c'est un virus agréable. Oui, c'est un virus qui est très agréable. Puis surtout, il y a des choses qui sont quand même plus importantes que la chouette d'or dans ma vie. Donc la chouette d'or, c'est vraiment mon loisir, un de mes loisirs préférés. Alors, ce qui est magique, et c'est fait exprès, dès qu'on ouvre le livre, on s'aperçoit qu'on est capable de résoudre deux ou trois énigmes, comme ça, au débeauté, comme on dit. Et on se dit, si j'en ai fait deux ou trois comme ça, c'est que finalement, le reste, ça va être un jeu d'enfant. Et à moi la chouette, à moi le trésor. Et puis, on se rend compte qu'il y a la possibilité d'aller sur un serveur Minitel à l'époque, 93, je le répète. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres qui cherchent aussi. Et puis, on confronte nos résultats. D'autres se restent dans le mutisme total parce qu'ils sont persuadés d'avoir la bonne piste. Et puis, on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas une simple affaire, c'est pas une mince affaire. Il va falloir être costaud pour assembler les pièces du puzzle et trouver l'issue finale. Au fil des années, cette chasse est devenue mythique. Imaginez-vous à cet endroit à 3 heures du matin, chargé d'une chouette qui pèse une dizaine de kilos, d'une pioche, d'une pelle, d'une baramine, d'une bâche, d'une torche et d'un sac à dos, et vous aurez le tableau complet. Sans oublier que plus tôt dans la soirée, j'ai aidé un promeneur à retrouver son chien, qui s'appelait Dracula. Et qu'au moment où j'ai donné le premier coup de pelle, une chouette a ululé dans les environs. Amitié, Max. Là, vous êtes dans mon atelier Rochefortais. Michel Becker. Celui où se trouve... Co-auteur de la chasse. Mais ça, il ne faudra pas le répéter, bien sûr. Toutes les toiles qui ont illustré le livre de la chouette d'or. Il y en a exactement 11, qui sont des grands formats, comme vous les avez sous les yeux. Donc des toiles qui font environ 1,50 m par 1 m. Et qui sont donc, effectivement, que j'ai réalisé avec un cahier des charges que m'avait fourni Régis Hauser. Et puis, en laissant aller un peu beaucoup, mon imagination, et en me laissant porter un peu par le sujet. Donc, il y a certaines d'entre elles où j'ai probablement mis plus que ce qu'il fallait. En tout cas, j'y ai mis tout ce que Régis Hauser m'a demandé à l'époque, ça c'est sûr. Parce que vous, Michel Becker, vous n'avez pas les solutions des énigmes. Vous ne savez pas où est la contre-marque de la chouette d'or. Je devais les connaître et j'ai refusé de les connaître. Je craignais un peu d'être amené à donner éventuellement des informations malgré moi. Donc pour être tout à fait sûr de mon coup, j'ai dit je préfère ne pas connaître les énigmes. Si on regarde ce tableau, ce tableau qui est devant nous... L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la première illustration qui intervient dans le livre sur la trace de la chouette d'or. Oui. C'est celle qui accompagne l'énigme B. C'est la première. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit un arc-en-ciel et puis on y voit un peu de lumière dans l'obscurité, un peu des nuages, une sorte de sculpture. Vous la voyez pas en entier, bougez pas. Je vais la dégager un tout petit peu. Voilà. Alors après, que m'a demandé Régis Hauser, ça je vous le dirai pas. Mais dans tout ça, il y a effectivement des éléments qui m'ont été demandés et des éléments que j'ai apportés. Max Valentin prévoyait combien de temps avant que la chouette soit trouvée au lancement, donc en avril 93, je crois. Oui. Il prévoyait environ de 14 à 18 mois. Comme vous voyez, ce n'est pas le cas. En 2019, 26 ans plus tard, la chouette n'a pas été trouvée. Voilà. Alors, regardons la première énigme. Ça commence par celle-là. D'accord. Qui par est la 500. 500, oui. C'est bizarre parce que ces énigmes, on s'attendrait à ce qu'il y ait 1, 2, 3, 4 pour donner un numéro d'ordre. C'est la 500e énigme, ça ? Non, parce qu'il n'y en a en fait que 11. Et donc, ça pose problème. Il faut savoir à quoi peuvent servir ces chiffres. Donc, dès le départ, ce jeu, c'est un jeu en désordre. Absolument. Qu'il faut décrypter pour remettre dans l'ordre. Voilà. Donc, après avoir décodé l'ordre des énigmes, on tombe sur cette énigme 530, ouverture. Ouverture. C'est une charade. Alors, vous avez donc la moitié du premier âge. C'est un peu complexe. J'ai cherché pendant 3 ou 4 jours, parce que je cherchais des mots. Et en fait, il fallait trouver des lettres. Premier âge, bébé. La première moitié, c'est B-E. La première moitié de la moitié, c'est la lettre B. Précède mes seconds et troisièmes cherchant leur chemin. Cherchant leur chemin. Je donne la réponse tout de suite aussi. C'est O et U. Ou. Ensuite, mon quatrième s'inspire. L'air. Dans la lettre R. Mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième alpha romain. Donc, mon cinquième est dans le mot rage. Il suit le quatrième qui est le R. L'alpha romain qui est le A. Donc, après le R et le A, c'est le G. Il y a quand même quelque chose qui interpelle parce qu'alpha romain, c'est bizarre. Alpha, c'est grec, romain, c'est truc. Bon, on verra bien par la suite. Donc on en est pour l'instant à Bourg ou Bourg. Voilà. B-O-U-R-G. Mon sixième, ensuite, aux limites de l'éternité. De l'éternité se cache. Au limite du mot, il y a le. Et puis mon septième, dressé, crache son venin. Là, par exemple, on ne saura pas faire de devin. Un devin, c'est un serpent de bois. Et donc, on se dit que peut-être là, c'est bien, il s'agit de ce serpent. Il crache son venin. S'il est dressé, ben, c'est peut-être la première lettre aussi, c'est-à-dire le S de serpent. Voilà, ce qui permet en tout de faire B-O-U-R-G-E-S, Bourges. Voilà. On commence par cette ville, Bourges. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on rappelle quand même le jeu. Laios. À partir de quoi on peut le suivre, ce jeu? Ben, c'est à partir d'éléments matériels concrets. D'abord, le livre des énigmes, qui comprend donc 11 énigmes à résoudre. La deuxième chose, c'est utiliser au minimum deux cartes. En principe, on utilise tous la carte Michelin, si possible, de 1993, donc, dont l'intitulé est carte 989 de chez Michelin. Et puis, par la suite, une fois qu'on a résolu les 11 énigmes, normalement, on doit être en possession d'une zone de la taille d'une ville moyenne quelque part en France. Et alors là, comme on sera en possession de cette zone, on ira s'acheter une carte précise de cette zone, la plus précise possible. Et après, en fait, on va avoir des restes dans les énigmes dont on n'a pas trouvé l'utilité pour trouver la zone. Donc ces restes-là, qui sont des restes de décryptage des énigmes, en principe, ils ont une utilité. Et cette utilité, ça va être justement de trouver ce qu'on appelle le pile-poil, c'est-à-dire l'endroit où est enterrée la chouette dans la zone. Est-ce qu'au moins on sait où cette chouette n'est pas? Alors, oui, enfin, du moins en partie, on a des indications Champy qui balisent un petit peu le territoire français. On sait, tu sais, le jeu est structuré de... On a deux grandes sources d'informations. On a le jeu lui-même, composé des 11 énigmes, et puis Max Valentin a aussi délivré ce qu'il appelle des indications supplémentaires qui permettent de confirmer aux chercheurs s'il est sur la bonne piste ou pas. Et l'une de ces indications te dit que la chouette est enterrée à plus de 100 km des côtes françaises. Donc ça permet déjà de raturer une bonne partie de la carte. Je crois aussi qu'on sait qu'elle n'est pas dans la forêt de Brocéliande, qu'elle n'est pas au Mont-Saint-Michel, qu'elle n'est pas dans la région parisienne, et donc qu'elle n'est pas dans le château de Versailles. C'est pas mal, hein, tu t'es bien intéressé au truc, hein, tu risques de devenir accro au jeu toi aussi. 520, la terre s'ouvre. Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, le doute est le dernier supplice qui te sera infligé, car c'est la règle de cette partie cruelle. Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Je vous appelle Lout, c'est un pseudo évidemment. Vous avez un pseudo comme tous les chercheurs de chouettes. Votre vrai nom c'est Nicole, votre vrai prénom c'est Nicole. Expliquez-moi comment vous avez trouvé ce pseudo de Lout. Eh bien, quand j'ai voulu aller sur le Minitel, Exocet. J'ai commencé à lire et je vois Exocet, Cloupe, Vénus, Armageddon, Chouette Mama. J'ai bien compris que c'était des pseudos et qu'il fallait que j'en prenne un. Alors voilà, plus je cherche, moins je trouve. Et à ce moment-là, ma chienne, qui est dans le coin, elle vient faire un câlin. Et j'ai une idée, ben je vais prendre son nom, tout simplement. Je prends Lout. Et un jour, mon mari répond au téléphone. Il se tourne vers moi, l'air surpris. Et en obturant le combiné de ses doigts, il me dit à voix basse, « Il y a quelqu'un qui veut parler à la chienne. » Voilà comment je me suis appelée Lout. Et comment mon mari a appris que je m'appelais Lout aussi. Voilà. Emblon, Lux, Laios, est-ce que vous connaissez vos vrais noms, chacun d'entre vous? Non, puis ça ne m'intéresse pas du tout alors. Non, parce qu'on a tous des choses à cacher. Dans la chasse, évidemment, la chasse au trésor. Quand on communique les uns avec les autres, on communique sous nos pseudos. Que les pseudos ne sont pas une innovation de l'association des chercheurs de chouettes. Les pseudos, c'est parce que beaucoup sont intervenus à partir de l'informatique, donc d'Internet et tout. Donc on a eu des pseudos qu'on a créés sur Internet. On les utilise aussi dans l'association. Patrick Schmoll, les chouetteurs, la communauté des chouetteurs, elle partage des mythes fondateurs, elle partage des lieux de rencontre, elle partage aussi un vocabulaire. Oui, toute communauté a ses rituels, ses mythes fondateurs, son imaginaire partagé et alors effectivement son langage. C'est vrai que quand vous déboulez pour la première fois sur le forum de la chasse au trésor, et que vous voyez des gens qui ont l'air de discuter comme s'ils savaient de quoi ils parlaient, de la nef encalminée, du trait à ne pas regretter, qui utilisent en plus des acronymes, le TANPR pour le trait à ne pas regretter, le NNP pour le navire noir perché. Vous dites, mais dans quelle secte bizarre suis-je tombé, n'est-ce pas? Donc il y a un côté ésotérique dans l'utilisation de ce langage qui permet de se reconnaître les uns les autres. Ouais. Champy, on est à la Chouette Fête 2019 à Angers. Qu'est-ce que c'est exactement la Chouette Fête ? Alors, la Chouette Fête, c'est un moment de rassemblement et de rencontre conviviale entre des joueurs intéressés, passionnés par le jeu de la Chouette d'or. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ma chouette, j'avais 49 ans. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont dit « mais c'est un truc pour les enfants, ça, mais qu'est-ce que tu fais, ça va pas ?» D'autres m'ont dit « mais il faut être tordu pour faire des choses pareilles. » J'avais fini par me dire que quelque part, j'étais peut-être un peu bizarre après tout. Et puis tout à coup, je suis allée à une chouette fête. Et enfin, je me suis trouvée à mon aise avec des gens qui étaient comme moi, qui parlaient de la même chose que moi. Et ça, c'est bien, c'est agréable. Et rien que pour ça, je reviens. Donc je connais des gens que je connais depuis maintenant plusieurs années. Certains passent par chez moi pour me dire un petit coucou de temps en temps, où c'est moi qui vais chez eux, et c'est sympathique. Comment est-ce que ce moment peut être convivial alors que vous êtes tous des adversaires? Des adversaires, t'es un peu rosse là, on est des joueurs, hein. Avant toute chose, on est plus des camarades qui jouons, et comme des joueurs, des enfants, qui se confrontons, mais gentiment. En fait, il n'y a pas de milliers de chouetteurs. Aujourd'hui, ça doit se résumer à mon avis, 300 ou 400 chouetteurs connus. Et après, sur ces 300-400, ben, on va dire qu'il y a peut-être il y en a 10% qui sont vraiment investis, on va dire, au maximum dans ce jeu, et qui, eux, peuvent sortir la chouette. Parce qu'ils se donnent les moyens, tout type de moyens, y compris de se déplacer, de repérer des lieux. Donc le problème, ça serait de savoir combien il y a de compétiteurs réels. Oui, c'est... À mon avis, il y en a beaucoup plus que ça, puisque tu vois, on est déjà 50. Donc tu disais 10% sur 400, ça fait 40. Donc non, là... Si tu enlèves les femmes, les conjointes... C'est... Donc, misogyne en plus d'être syndicaliste. C'est moche ça, monsieur. C'est quand même un monde très très masculin. Oui, bah, il se trouve. Oui, parce que c'est un monde qui est issu de l'informatique. Moi, je pense que c'est le principe du jeu, c'est les énigmes qui, à mon avis, ça intéresse les mecs. Les femmes ont d'autres choses plus sérieuses à faire. Emblon. Bon, il faut aimer. Donc, je pense, enfin, en tout cas, autour de moi, quand on en parle aux femmes, elles accrochent pas. Je veux dire, j'ai jamais pu faire accrocher aux énigmes. Bon, elles regardent ça d'un air. Bon, mais puis ouais, regarde, mais elles sont vraiment pas intéressées, quoi. Donc je pense, moi, que c'est les énigmes qui sont un truc de mec, mais bon. C'est-à-dire, beaucoup ont pensé que c'était un attrape-nigaud, ce jeu. Et les femmes, elles ont plus facile tendance à dire que c'est un attrape-nigaud que les hommes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Chaque joueur ici, un jour ou l'autre, il se dit, je suis pas en train de me faire arnaquer, là. Et... Pourquoi est-ce que c'est si masculin? Bon, déjà, il y a le côté pragmatique des femmes qui font toujours mille choses dans une journée, alors que les hommes, ils sont quand même, ils ont plus de liberté, entre guillemets, hein. Ils ont moins la maison, les enfants, les devoirs, toutes ces choses-là. ils travaillent. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, hein, ils font leur boulot. Mais ils peuvent peut-être avoir gardé ce côté de l'enfant qui est l'île au trésor, les choses comme ça, comme dans l'enfance, qu'on peut garder dans le côté rêve que les femmes ont peut-être un peu perdu. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vous dis, le jour où tu dis à quelqu'un « je fais une chasse au trésor », on se demande si vous n'êtes pas un peu gaga. Donc, c'est bien que le côté île au trésor de l'enfance a disparu chez beaucoup de gens, que les hommes l'ont peut-être plus gardé que les femmes. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Être une femme dans ce groupe d'hommes, est-ce que ça vous met dans une situation particulière ? Ben, si je ne veux pas être dans une situation particulière, il faut que je prenne ma place toute seule. Et que je discute avec la même ferveur que les hommes. Et puis c'est tout, je prends ma place. Parce que si je ne prends pas la place, on ne m'écoutera pas. On me laissera de côté. Parce que vous êtes une femme ? Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est parce que je suis plus douce peut-être ou moins engagée que les hommes souvent. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, il faut prendre sa place, quoi. Il faut la trouver. Il faut réussir à s'imposer un petit peu. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. La clé se cache sur un navire noir perché. Piblo, Mickey, vous êtes deux chercheurs de la chouette d'or de la première heure. Vous avez commencé en 93, au début de la chasse au trésor. Vous représentez à tous les deux deux écoles de la plus grande controverse de l'histoire de la chouette d'or qui se porte sur une ville de Moselle. Comment s'appelle-t-elle cette ville ? Eh bien, c'est Dabot. Hein. C'est connu depuis 93. Sur le Minitel circulait, bon, il y a une ville, c'était un peu un secret au début. Puis après, par téléphone, les gens disaient, bon, il y a la ville de Dabot. Hein. Un village. La première fois que j'ai entendu Dabot, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un nom de ville, D-A-B-O. Mais si, en regardant sur la carte, donc il y avait Dabot. Et ça correspondait au croisement de plusieurs lignes. Quelle ligne ? Alors, la flèche d'Apollon qui aboutissait, d'après la théorie classique, à 650 mètres d'altitude, sur la colline du rocher de Dabot. Ensuite, il y avait une autre ligne qui partait de Roncevaux, qui passait par Carignan, et avec l'orthogonale, qui arrivait à Dabot. Et à l'époque, je n'avais pas de troisième ligne, mais depuis, après en réfléchissant, j'ai une troisième ligne qui arrive à l'horizontale et qui passe aussi sur Dabot. Donc ça fait trois lignes. Bon, elles ne se recoupent pas forcément au demi-millimètre près, mais ça définissait pour moi la zone. Moi, j'ai eu Dabot comme solution pendant une quinzaine d'années. Pas tout à fait comme Mickey, c'est-à-dire que pour moi, Dabot, c'était un point de passage, donc une solution d'énigme, mais que la chouette ne se trouvait pas dans cette région-là. Et puis, plus récemment, il y a 3-4 ans, j'ai repris à zéro. Et puis, je suis arrivé à résoudre donc l'énigme qui justement conduit à Dabot d'une autre manière. Pour moi, maintenant, Dabot est en fait une fausse piste voulue par Max. Et en fait, Max a parlé souvent de fausse piste autoroutière. Et pour moi, c'est celle-là, c'est celle qui mène à Dabot. Parce que la dénomination, donc, c'est daboïste et anti-daboïste. C'est quand même fort. Oui, il y a peut-être des semi-daboïstes, ceux qui disent que Dabot est dans le jeu. Mais maintenant, la tendance, c'est plutôt de dire « ce n'est pas à Dabot ». Et donc, les daboïstes, c'est ceux qui disent « la chouette est dans la région de Dabot ». À un moment donné, on avait parlé de non-daboïstes, en fait, de personnes, de chercheurs de la chouette qui ont Dabot dans leur solution, comme moi je l'étais. J'étais ni anti ni daboïste, j'étais non-daboïste, c'est-à-dire, pour moi, la chouette ne se trouvait pas dans la région de Dabot. Et hier soir, j'ai vu un chercheur, enfin un nouveau, non, il cherche que depuis 10 ans, et j'ai dit « mais alors, Dabot ?» Il dit « ben non, moi c'est pas dans mes solutions du tout. » Il trace 4 traits parallèles et il ne voit pas Dabot, quoi. Mickey, vous y êtes allé souvent à Dabot ? Oh là là, la première année, j'étais allé peut-être 5 ou 6 fois avec mon associé qui était flibuste. Lui, des fois, il allait tout seul en moto, parce que lui, il voulait de l'action. Et après, on y allait ensemble, on repartait. Parce qu'on croyait que la chasse, quand la découverte était imminente, quoi. Donc on partait le jeudi parce qu'on se disait les autres chercheurs vont y aller le week-end. Et au moins une dizaine de fois en fin 93, début 94. Parce que c'était vraiment, enfin je ne dis pas qu'il y a un esprit de compétition, Mais on se disait, ça y est, c'est une question de semaines, de jours. Dans les énigmes, il y a notamment l'évocation d'un navire noir perché. Je crois que c'est la solution de l'énigme 600. Le navire noir perché, c'est Dabo ? Alors, quand je suis allé pour la première fois à Dabo, fin 1993, à un moment donné, j'étais bien placé pour voir la silhouette de la chapelle Saint-Léon qui se détachait sur le rocher et sur les collines. Et la photo que j'ai prise, je l'ai toujours, c'était vraiment une silhouette noire comme un navire sur une mer déchaînée. Je me suis dit, ben bon, c'est déjà convaincant. Moi, maintenant, je suis aussi persuadé que la chouette se trouve en Lorraine, mais pas nécessairement à Dabo. Au début, quand on est allé à Dabo, on passait par l'office du tourisme. Et donc, avec l'accent, ils disaient, mais vous cherchez la chouette? On disait, ben oui, parce qu'ils avaient l'habitude de voir plein de touristes qui avaient des airs un peu mystérieux, qui demandaient une plaquette, qui demandaient s'il n'y avait pas un navire dans les environs, qui demandaient quelle était l'altitude du rocher. Donc après, ils se doutaient. Comment est-ce qu'on peut expliquer que 26 ans plus tard, la chouette d'or n'ait pas encore été trouvée ? Régis Sauzer m'a dit à un moment donné qu'il avait un petit peu revu le niveau de difficulté des solutions, parce que sa hantise au départ, c'était que ce soit trouvé trop vite et que ce soit le pétard mouillé, quoi, que ça n'ait pas le temps de susciter l'engouement. Il y a une complexité un peu farfelue dans tout ça, de quelque chose qui l'aurait complexifié sans que ça colle avec un système de codage précis ou voilà, une fausse piste, un truc qui finalement bloquerait tout le monde. Bon voilà, celle que tout le monde convoite, celle que vous vouliez voir, elle est là. Je l'ai fait venir pour vous. Voilà, la bête. L'or ne s'oxyde pas, vous pouvez poser les mains dessus. C'est possible de la soulever ? Alors attendez, si vous voulez la soulever, il faut la prendre sous les ailes et la sortir de son socle, je vais le faire pour vous. Voilà. Prenez-la en main, mais méfiez-vous, elle est très lourde. Hein. Oula, oui, oui, c'est particulièrement lourd. Le chercheur qui la trouverait un jour perdrait le sommeil s'il l'avait chez lui. Je pense que son premier souci, ce serait de la mettre en sécurité lui aussi, comme je le fais moi. De peur qu'elle s'envole, c'est ça ? Que quelqu'un la fasse envoler, en tout cas. J'ai encore rêvé d'elle, cette bête cachée seule dans son bois. Est-ce en Meurthe et Moselle ? À Langres ou alors près de Troyes, serais-je à l'heure, m'appelle sur le cœur. J'ai travaillé si fort derrière mes persiennes, j'ai parfois eu des torts. J'ai cru au BSN. Si j'arrivais à démêler. C'était La Chouette d'or ou le trésor volatile. Avec Lout, Devin, Champy, Lux, Laios, Emblon, Mickey et Piblo, Michel Becker et Patrick Schmoll. Lecture Serpentine Tessier et Jacques Poiterrier. Les aventuriers de la chouette perdue, une histoire particulière, Assia Khalid, Romain Weber. Demain, j'irai creuser.